C'est pas drôle de nos jours être sensible. Puis la conscience, c'est comme un catalyseur de la sensibilité. Ça fait que ça. On va des fois essayer d'amoindrir. Ça, pas pour rien qu'il y a des individus qui sombrent dans les addictions, qui boivent pour. C'est pas drôle d'être sensible, puis c'est pas drôle être. S'il y a de la conscience en plus. Donc, souvent, sans s'en rendre compte, on se protège de notre propre conscience. On pourrait appeler ça le psychologique. Comme si on parle par exemple l'astral. L'astral, c'est quoi? C'est surtout des formes accumulées de tout l'expérimental de l'être humain. L'astral, ça existe parce que le collectif humain n'a pas contact avec la conscience à travers une conscience intégrale, si on peut dire. Il est soumis aux lois de l'expérimental puis de l'accumulation, dans le sens que on a au cours de l'humanité accumulé tellement de formes, tellement de cochonneries, tellement de formes alourdissantes, puis l'astral, ben c'est tout ce qui est lié justement à de l'inconscience. Quand on est bien sensible, ben, on se rend compte qu'il y en a partout. L'autre jour, je me promenais, il y a une place là ici là, un établissement là où on peut manger, puis je regardais par dehors, par la fenêtre, puis là je vois voir comme une statue, des statues de Bouddha, des affaires de la même. Après, je passe devant une vitrine d'un tatoueur, puis qu'est-ce qu'il y a dans la vitrine? Il y a une statue de Bouddha, mais il y a des crânes aussi, puis des dessins avec un œil au milieu d'un triangle, puis des affaires de même. Le monde des influences. Une influence, ça va agir parce qu'il y a une forme, mais il y a pas de conscience. Dans le sens, c'est de l'expérimental. C'est de l'expérimental. L'expérimental, c'est pas de la conscience. La conscience, c'est ce qui voit l'expérimental. Si on n'est pas capable d'identifier c'est quoi le monde des influences, ben, l'autre jour, je vais dans une pharmacie, puis il y a une mère avec sa petite fille, puis c'est la rentrée. Puis là, il faut acheter des articles scolaires. Puis la petite fille arrive avec un étui à crayon, puis elle dit à sa mère, je veux cet étui à crayon là. Puis là, la mère a dit, ben non, il y a des têtes de mort dessus. Donc je vois que la mère a quand même une certaine sensibilité, elle voit que c'est des influences, parce que là, c'est des modes. Une petite fille des années 50 n'aurait pas voulu un étui à crayon avec des têtes de mort dessus. Peut-être un petit gars, peut-être. Parce que ce qu'on pourrait appeler l'identité psychologique, la personnalité, ça va se construire souvent chez le garçon en se convainquant qu'il n'a pas peur puis qu'il est valeureux. Tandis que la petite fille, ça va être plus qu'elle sert à quelque chose, qu'elle correspond à des attentes, qu'elle est aimée. Le garçon, lui, essaie de s'accorder une valeur, souvent. Tandis que la petite fille, ça va être. C'est plus proche de l'âme, là, si on peut dire. Un peu moins de l'intellect. Le petit garçon va être porté à se créer une identité vraiment liée à la valeur, à l'utilité. Mais la petite fille aussi. Mais au sens. La petite fille, on pourrait plus dire servir à quelque chose. Dans le sens, ça va être valorisé. Mais. Il y a une différence entre s'accorder une valeur puis vouloir être valorisé. Mais on trouve les deux chez. On le trouve autant chez les petites filles que chez les petits garçons, ça, mais c'est à des degrés différents. Le psychisme d'une fille, il reste pas comme un garçon, là. Donc, peut-être dans les années 50, d'après moi, la petite fille, elle aurait pas voulu un étui à crayon avec des crânes dessus, mais peut-être un petit garçon, lui, il aurait dit, ah, cool. C'est cool, les têtes de squelettes. Mais tout ça, vous dire, la petite fille, elle amène ça à sa mère. Sa mère dit, ben non, il y a des têtes de mort dessus. Puis là, la petite fille disait, ben c'est pas des têtes de mort. Puis là, sa mère a dit, hey, ben oui, c'est des squelettes. Dans un autre lieu public, j'ai vu une mère avec sa fille, hein, mais pas les mêmes circonstances, mais elle pitonnait sur son téléphone. Puis elle était un petit peu bête, je trouvais, quand que la petite fille lui parlait. Donc, complètement différent, pas la même sensibilité de personne. appelle Patrick Carré, dit oui pour les squelettes, dans le fond, parce qu'elle s'en fout. Puis elle pitonne son téléphone. Puis elle voit des affaires de même, puis elle trouve ça cool. Donc, il reste que l'Astral, c'est partout. Dans le sens, après, je vais ailleurs, puis je vois, il y a les comme les crânes là, d'Amérique du Sud, là, toutes colorées, là, comme un bibelot en céramique. Mais il reste que c'est partout. C'est partout. Puis quand on est bien sensible à le voir, que c'est le monde des influences, c'est la masse psychique mondiale, si on peut dire, c'est-à-dire toutes les formes, toutes les... L'Astral, ça ressemble à une dompe un peu. Ça se manifeste, ça se cristallise dans des formes, mais c'est dans le psychique humain. Puis ça influence quand on parle de l'ambiance d'un lieu. On le sent quand le monde, ils sont... L'individu, il se construit une identité psychologique. Puis s'il y a le défaut de l'intellectuel, il va même se construire une existentialité philosophique. Ça, c'est l'involution, l'involutif. L'évolution vers l'identité réelle commence quand l'individu, il commence à brûler son psychologique, à épurer son mental, à déconstruire son existentialité philosophique en faisant éclater les formes alourdissantes que l'expérience, puis le collectif, le vécu, l'expérimental, du temps de la construction de la personnalité psychologique, de l'existentialisme, c'est quand on commence à brûler ces affaires-là pour construire l'identité réelle que ça commence, l'évolutif, l'évolution, si on peut dire, c'est l'intégration. Il faut intégrer l'expérimental, c'est-à-dire que ça se construit par la conscience, dans le sens que ce que vous avez vu inconsciemment, que vous ne vous rendiez pas nécessairement compte de ce que vous étiez en train de vivre, mais par après, maintenant, il faut l'intégrer l'expérimental, c'est-à-dire un jour être conscient de ce qu'on a vécu. Dans le sens que quelqu'un qui a une personnalité psychologique, à un moment donné, il faut qu'il sache qui est, dans le sens d'être conscient de qui est. Si quelqu'un qui a de la personnalité qui sait qui est, c'est parce qu'il s'est construit une grosse identité psychologique, mais il y a une différence entre être conscient de qui on est. Il faut identifier les influences, tout ce qui n'est pas réel. L'individu a assez longtemps expérimenté une observation de son observation quand il est rendu là. Il brûle sa personnalité expérimentale acquise pour nourrir son identité réelle, innée, pour la réveiller, en se dépolluant de toutes les formes, puis que pendant l'expérimental, que l'émotivité, entre autres, c'est-à-dire le psycho-affectif, la projection, elle donne une valeur aux formes, tout ce que ça a déformé, puis que finalement l'expérience a été vécue jusqu'à un certain point inconsciemment. Même par après, avec l'observation, il faut intégrer l'expérimental. La personnalité involutive se construit par l'expérimental. La personnalité psychologique, si on peut dire l'identité réelle, c'est construit par la conscience intégrale qui commence. C'est complètement différent. C'est pour ça que, jusqu'à un certain point, on peut dire qu'il y a une construction de différents... Il y a différentes étapes. C'est sûr que l'enfant, au début, se construit une identité psychologique, c'est normal. Mais ça, c'est pas de la conscience encore. Si un jour, il a la capacité d'intégrer l'expérimental, ça va être de la conscience. C'est-à-dire une identité réelle. L'identité réelle, c'est de la conscience. Ça ne sert à rien de capoter. Ça, là, après coup, quand on s'en rend compte, là, parce que quelqu'un qui capote, s'il s'en rend compte, ça va être après coup. Bon, avec l'expérience, on le sait que ça donne à rien de capoter. À force d'avoir observé qu'on est décapoté. Hein? Par l'observation. C'est par l'observation que ça se fait, il n'y a pas d'autre façon. Mais c'est très actif, ça, tout en étant passif. Moins les vieilles formes sont actives, plus que ce qui est obstrué va se réactiver. C'est pas compliqué dans le fond. Quand on est écœuré, là, qu'on a souffert en masse. Faut avoir beaucoup souffert pour être rendu là, au point d'être capable de regarder ça avec un pas de recul. Le même pas de recul qu'on a fini par observation développée par rapport à l'expérience passée. À un moment donné, faut pas qu'il y ait de délai, puis que ça soit en temps réel aussi le pas de recul, ce qui n'empêche pas d'être dans les événements. Pareil, d'être là, d'avoir justement de plus en plus de présence, c'est ça de la multidimensionnalité dans le fond. Mais faut être conscient d'abord qu'il y a une multidimensionnalité, si vous ne la voyez pas, la pollution qui est dans le psychologique, qui est toute, qui fonctionne en roue libre, le monde qui se casse la tête, puis pourtant, ils finissent par s'en rendre compte qu'ils se cassent la tête pour rien, puis qu'ils s'en faisaient pour rien. Est-ce que ça vous a déjà donné quelque chose de vous casser la tête et de vous en faire? Est-ce que quand vous réglez les problèmes, ça ne vient pas d'ailleurs que ça? Ben oui, parce que ça vient de bien plus haut. C'est avec ça qu'il faut être de plus en plus en contact. Dans le sens que on n'est pas pour se fier à des pressentiments et des intuitions, c'est-à-dire pas avoir intégré par la conscience certaines strates d'intelligence. Il faut prendre contact avec. Ça ne veut pas dire... Il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec être intelligent intellectuellement ou psychologiquement comme on nous l'a appris d'habitude. C'est d'autres choses. Complètement autre chose. Ça n'a rien à voir. Parce que là, c'est être face à soi-même. Puis le contact, il est très individuel. Parce qu'il va avoir une individuation. C'est ça, une identité réelle. C'est aussi une individuation. Il y a une conscience intégrale. C'est impossible d'avoir une identité réelle sans avoir un début au moins de conscience intégrale. C'est-à-dire, se rendre compte que tout n'est pas comme on le pense. Les choses ont une nature en dehors qui nous précède. Avoir l'humilité. Comme ça, on reste réceptif. L'humilité, ça rend réceptif. Et ça existe des sensibilités mal placées. C'est ça qui engendre tout ce qu'on appelle dans le fond la personnalité. À un moment donné, quand il y a un début d'identité réelle, ça veut dire la personne rentre en guerre avec la personnalité. Il se passe quelque chose en dedans. C'est là qu'il va avoir du psychologique de brûler. C'est là que on finit par. Quelqu'un peut finir par être réellement évolutif, c'est-à-dire il va même perdre des défauts. Il y en a du bon monde que je connais, que ça n'a pas tout le temps été du bon monde. C'est pas... À un moment donné, la réelle réhabilitation, c'est l'intégration. Il faut avoir intégré son expérimental, ce qu'on a vécu inconsciemment, finir par le voir, puis en être conscient. Puis, à un moment donné, qu'il y ait de moins en moins de délais, c'est-à-dire avoir la même objectivité en temps réel, non plus avec l'expérience qu'on a vécue, mais avec l'expérience qu'on est en train de vivre. Et là, l'instantanéité, la vraie, ça donne quoi de tout le temps se rendre compte après coup? L'esprit, c'est un véhicule, dans le sens, ça voyage dans le temps, mais là, il faut au moins être dans le présent. Tant qu'on va être en contact avec notre propre intelligence à travers une identité psychologique, ça veut dire qu'on n'a pas contact avec notre propre intelligence à partir d'une conscience intégrale. Ben, tant que ça va être de même, ben, on va en voir des niaiseries, c'est sûr. Mais là, ça commence qu'au moins l'individu, lui, qui arrête d'en faire des niaiseries, là, dans le sens que on est tous foufous un peu. L'être humain, c'est toute une bébite. C'est une bien drôle de créature. Puis, il ne faut pas non plus nier notre... avoir la vanité de penser qu'on n'est pas des humains puis qu'on est mieux que des humains. Là, on est tous humains. Il n'y a personne d'honnête qui pourrait... ou de réellement conscient de ce qu'est la nature humaine qui pourrait se présenter sans défaut, là. Parce que c'est juste ridicule. Quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un justement qui travaille ses défauts. À un moment donné, ce qui s'est enregistré inconsciemment par les répétitions, il y a moyen de le défaire. par la répétition aussi, c'est-à-dire la pratique d'une observation de notre observation, c'est-à-dire de la conscience. On peut pas se voir, c'est comme essayer de regarder une maison de l'intérieur puis de s'en faire une idée de l'extérieur sans jamais être sorti. Faut pas perdre de vue le psychologique, mais le regarder d'en dehors. Ce qu'on a appelé le plan mental, ce qui a engendré l'intellect. L'intellect est dedans, c'est pas le plan mental qui est dans l'intellect, c'est l'intellect qui est dans le plan mental. Donc, il y a moyen en conscience de le voir, l'intellect, d'en dehors. C'est bien compliqué d'expliquer des affaires de même. Parce que c'est de la méta-conscience. Quand vous avez une conscience de votre conscience, on produit de la métapsychologie. Une science qui n'est pas psychologique, science entre parenthèses, mais dont le psychologique aussi est l'objet. La conscience, ça dépasse l'intelligence, puis la conscience, ça dépasse le psychologique, là. L'être humain est bien vaniteux de penser qu'il est la première créature pensante qui existe, puis qu'il n'existe pas de l'intelligence en dehors de lui, parce que lui, il croit juste à de l'intelligence réflexive, justement. L'intelligence, c'est de l'intelligence. Même la façon juste à se promener en forêt pour en voir de l'intelligence. Comment c'est configuré, comment ça fonctionne, comment... Le vivant, c'est une volition de l'intelligence pareille. C'est les choses, le vivant n'est pas fait n'importe comment. Mais l'être humain, lui, pense n'importe comment. C'est l'art vert. La pensée est autre chose plus loin. Pas besoin de penser pour voir. Pas besoin de réfléchir. Mais ça, on ne peut pas être de même 24 heures sur 24.